Bonjour. Bonjour. Alors c'est le retour du Pony en version podcast. Parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc en fait aujourd'hui on vous fait une émission spéciale Clint Eastwood. Et on va aborder Clint Eastwood sous l'angle politique et sociétal. Mais on va aborder ça voilà, à partir de quelques films. On va commencer par d'abord Un frisson dans la nuit de 1971. Alors, Un frisson dans la nuit, c'est la première réalisation d'Eastwood, qui est également devant la caméra. Et c'est déjà une première réussite qui a l'intelligence de prendre le contre-pied de l'image du héros viril et pragmatique qu'il avait forgé peu avant par sa trilogie des dollars, c'est Sergio Leone par exemple. Il y en a un qui est mort de rire. Oui. Pourquoi est-ce que t'as commencé? Bah oui. Pourquoi t'as commencé? T'as commencé en disant un fouisson dans la nuit. un fouisson dans la nuit. Je me suis dit c'est quoi? C'est la version créole. C'est un film porno. C'est un fouisson dans la nuit. Donc c'est un film porno. Donc voilà, ça, au moins c'est une image qui remplace l'image du héros viril et pragmatique qu'il avait forgé chez Leone. Mais surtout, ça offre un contrepoint à l'implacable figure de l'inspecteur Harry qui déboule sur la caméra de Don Siegel la même année. Il faut dire qu'Un frisson est sorti en novembre 71. Un mois après, en décembre, on a l'inspecteur Harry. Donc ça fait un bon contrepoint. Sympa. Voilà. Et ici, Clint joue un pianiste humble qui débute une liaison avec une admiratrice un peu dérangée. Et joué par Jessica Walter, qui obtiendra un Golden Globe d'ailleurs, de meilleure actrice en 72 pour ce rôle. Alors Jessica Walter, qui est... Parce qu'en plus elle nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Ah la pauvre. Je crois que c'était... Même pas, quoi. Alors attends que je vérifie. Voilà, elle est morte cette année en mars 2021. Ah et oui. Et en fait, on la connaissait plus récemment pour avoir joué dans Arrested Development, c'était celle qui faisait la mère. Et pour ceux qui suivaient le dessin animé Archer, en fait, elle faisait une des voix. Voilà. Ah, Archer. Oui. Archer, ouais. Archer, c'est quoi? C'est avec un espion. Ça passe sur Netflix. Tu verras. Ouais, ah, ça fait ouais, depuis 2009 en fait que ça existe. Mais ouais. Et c'est assez fou. Bon, après, moi, j'ai fini par lâcher au bout de quelques saisons, mais. Mais c'est assez dingue en fait. Moi je conseille de regarder, mais voilà. Parce que quand t'as dit Aristide, j'ai compris Aristide Brillant. Je crois qu'il y a un truc sur Aristide Brillant. Pourquoi pas, écoute, pourquoi j'étais pas con. Non, Aristide Development, elle faisait le rôle. D'accord. De la famille, c'est la famille Blues, et elle joue le rôle de Lucille Blues. Voilà. Ok. Donc vas-y, continue. Donc avec ce personnage d'admiratrice dérangée, le film traite donc du harcèlement sous un angle complètement différent. Ici, ce n'est pas l'homme qui harcèle la femme, c'est le contraire. Il faut savoir que notre acteur-réalisateur s'est d'ailleurs inspiré de sa propre expérience, vu que plus jeune, il avait été harcelé par une femme beaucoup plus âgée. Comme quoi, être beau gosse, c'est une belle malédiction aussi. Donc, c'est le premier film où Clint se met en danger et renverse les clichés, et ce ne sera pas le dernier dans sa longue carrière, on va y venir. Voilà, et il faut noter aussi qu'une bonne partie du film capte le festival de Montréal en Californie quasi sur un mode documentaire, et ça rajoute un certain grain, petit grain de réel que moi, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié quand j'ai vu le film. Alors, en ce qui me concerne, en fait, moi, je trouve que sur ce film-là, je trouve qu'il fait preuve d'une énorme ouverture d'esprit, et que je le trouve pas assez progressiste comme film, parce qu'il y a le rôle de Toby qui est joué par Donna Mills. Donna Mills, c'est une nana qui a fait pas mal de rôles, mais qui, je pense, pour le public américain, est vachement connue pour avoir joué dans Côte Ouest, un soap. Donc, ouais. Ah, d'accord, ok. Je vois de quelle actrice tu parles. La blonde ultra maquillée. Ouais. Et donc là, je joue le rôle de son grand amour. Et je trouve qu'en fait, c'est super précis dans le sens où le couple qu'ils forment, c'est-à-dire que par des petits dialogues, tu distingues qu'ils étaient... qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui les a séparés dans le couple, ou qui vivaient un truc dans le couple, où finalement elle avait des aventures avec d'autres femmes. Mmh. Ah. Tu devines, en fait, la manière dont il en parle, tu devines qu'elle avait des aventures avec d'autres femmes, qu'elle a toujours des aventures avec d'autres femmes, et malgré tout, elle vit quand même sa vie amoureuse parallèlement avec le personnage de Clint Eastwood. Et en même temps, un moment au début du film, donc son personnage revient, je crois de Californie ou un truc comme ça, elle est accompagnée avec un pote à elle, qui est clairement gay. Et à un moment, Clint Eastwood lui dit, tu ferais mieux de t'intéresser ou d'aller t'occuper des jeunes marins ou je sais pas quoi. Et il dit, je ne m'intéresse plus aux fruits de mer. Et par des petits trucs comme ça, en fait, je trouve, en fait, il aborde clairement le sujet de l'homosexualité, mais dans la vie de tous les jours, on est en 71, en fait. Mm. Sachant que, bah, on en avait parlé quand on avait fait Cine on the Phone. Pour le film The Boys, qui était réalisé par William Friedkin la même année, en 69, où il y avait les émeutes, les homosexuels qui se faisaient persécuter à ce moment-là. Donc on est juste 2 ans après les événements de Stonewall aux États-Unis. Et juste 2 ans après, bah, il fait passer ça tranquillement. Dans un film, et ça, y a rien de choquant, quoi. Mais et en même temps, je me demande s'il y a pas rien de choquant, parce que en fait, c'est parce que le personnage de Toby reste quand même dans une relation hétérosexuelle avec le personnage de Clint Eastwood. Donc voilà, elle est à entretenir un truc avec des filles, mais en même temps, elle reste quand même une gentille hétérosexuelle quelque part, quoi. Je pense que c'était quelque chose qui était communément admis à l'époque, ça pouvait passer au cinéma, etc. Je suis pas sûre. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une espèce de censure, bien que ce soit plus vraiment à l'époque une espèce de censure morale? Est-ce que quelque part derrière aussi, c'est pas dit, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de censure, pas explicite, quoi, un truc implicite peut-être. Non, c'est complètement implicite, parce qu'en fait, quand il parle de la relation avec ses copines, en fait, il dit pas qu'elle avait une relation avec elle. En fait, il dit, tu avais beaucoup de copines, et il évoque un souvenir où le matin, on était tout le où je me retrouvais le matin et avec toi et le petit boudin. À un moment, il dit ça, le petit boudin du moment. il dit ouais, t'as toujours eu beaucoup de copines, et elle lui dit, bah, j'ai jamais aimé la solitude, machin, enfin bref. Et tu comprends que voilà, là, elle a une maison, elle a toujours une colocataire avec elle, toujours une fille, machin et tout. Enfin, et tu te dis, ça pourrait être parce qu'elle est toute seule maintenant, mais quand ils étaient en couple, elle avait toujours des copines de passage. C'est vraiment implicite, mais on comprend que c'est parce qu'elle avait des relations avec des femmes, et qu'elle a toujours des relations avec des femmes, mais que parallèlement, elle a sa relation aussi avec le personnage de Clint Eastwood. Moi, je viens de me rappeler, parce que j'ai vu un Carpenter de cette époque, qui est Meurtre sur la Meurtre au 43e étage, et il y a le personnage d'Adrienne Barbeau, qui est clairement lesbienne, qui l'avoue clairement, qui même drague un peu l'héroïne. On est dans les années 70, juste quelques années après le Eastwood, et c'est pour ça que je me dis que c'est clairement quelque chose que... Ça passe à la télé, en plus, c'est un téléfilm conçu par la télé, pour la Warner, donc fait par John Carpenter. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a encore quelque chose, une espèce d'ouverture, etc., qu'on verra peut-être plus trop par la suite. Je pense que c'est parce que, rappelle-toi, sur quand on avait parlé du cinéma de fan du film The Boys en 69, l'auteur avait dit que, clairement, c'était... Je pense que c'est une ouverture de façade qui est vraiment due au film, en fait. C'est-à-dire, tant que c'est au cinéma, on accepte. Ça passe. Mais dans la vie de tous les jours... Ah bah oui. Voilà. Et en fait, c'était ça, le truc. C'est que le mec qui avait écrit la pièce dont s'inspirait The Boys, dont était adapté The Boys, en fait, a dit, lui, il l'a fait le plus naturellement possible. C'est-à-dire qu'il n'avait pas conscience des problèmes que ça pouvait engendrer. Mmh. Et c'est vrai que quand tu regardes le film, The Boys, tu dis, waouh, putain, on dirait vraiment que c'est un truc que c'est accepté dans la vie de tous les jours. Alors que non, clairement, non, il y avait Stonewall la même année, quoi. Donc, et là, sachant qu'en plus, bon, Eastwood, il le dit jamais clairement. Mm. C'est-à-dire que c'est vraiment par des petites choses, voilà, c'est toujours suggéré, tu comprends que machin. Oui, ça voilà. Compte quand même sur l'intelligence du spectateur. C'est le genre de truc qu'on a perdu par la suite, ça. Oui, oui. Et en même temps, c'est-à-dire qu'il y a aussi, par rapport à ça, il y a aussi, outre le côté sexuel, il y a aussi le relationnel avec la population noire américaine aussi dans le film. Bon, c'est très cliché, sa femme de ménage est noire. Mmh. Et à un moment, si tu veux, il y a ce truc-là, en fait, à la fin, où il va à un festival de jazz. Et il filme très longuement, en fait, tous les Noirs en train de danser sur du jazz et tout. Et en fait, moi, ça m'a fait bizarre cette impression, parce que ça, il y a un côté, on va s'immerger dans une culture qu'on connaît pas forcément, machin. Enfin, il y a un côté immersion qui est très curieuse, et tu sais pas si c'est par le, en fait quand tu regardes le truc tu sais pas si c'est par ouverture d'esprit ou enfin je sais pas, c'est enfin tu sens une impression d'ouverture d'esprit, parce que c'est vrai que du coup il est très passionné par le jazz, il a vraiment filmé le film en direct comme le festival oui, en direct quoi, mais oui mais là en fait c'est sur la manière dont il filme en fait la population noire en fait dans le film. Il y a ce côté de vouloir focaliser sur la population noire qui moi je trouve ça un peu curieux, parce qu'en fait quand tu regardes le public il n'y a pas que des noirs en fait. Donc est-ce qu'il fait ça par ouverture d'esprit ou pour rappeler que l'importance de la population noire dans le jazz, je sais pas du tout, mais donc ouais, mais après sur pareil progressiste, on va revenir sur la sexualité par rapport à justement la manière dont l'événement arrive en fait avec le personnage de Jessica Walter, clairement il lui dit au début c'est juste un coup d'une nuit en fait, et du coup c'est pareil en 71, ça passe crème, c'est-à-dire que c'est à l'époque ça se faisait sûrement plus aux États-Unis qu'en France, mais on est encore dans des sociétés où c'est très normalisé d'être d'une certaine manière, voilà quoi. C'est après bon 70 c'est de la libération sexuelle, mais je trouve que quand même c'est je trouve voilà, c'est pas, ça passe comme une Une lettre à lettre la à la poste poste. quoi. Ouais, donc je c'est pour ça que j'étais, enfin je suis assez agréablement surprise en fait, et il y a ce côté de effectivement de ce personnage célèbre qui est un peu la proie de toutes les envies de toutes les nanas, Alors, voilà quoi. j'aurais un truc, j'aurais une piste éventuelle, ou du moins une suggestion par rapport à justement cette ouverture sur la sexualité, en tout cas tout ce qui est suggéré par rapport au fait que sa copine serait éventuellement bi, etc. Il y a aussi le fait que bah, c'est un peu une tentative d'imiter aussi le nouvel Hollywood qui lui arrivait à ce moment-là. On est en 71, donc le nouvel Hollywood ça a commencé à partir de 69 et avec les films d'Arthur Arthur Penn, etc. Que Bonnie and Clyde, tout ça, et qu'il y avait quand même une espèce d'ouverture qui s'est fait plus, comment dire, de plus en plus forte. Et qui a suivi la modernité européenne des années 60. Exactement. Et à partir de là, peut-être qu'aussi, il y avait parce que les gros studios aussi se cassaient la gueule derrière. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette espèce Ils d'envie se sont pas des. encore cassés la gueule tout de suite. Pas tout de C'est suite, avec la ouais. porte du paradis aux 1080 que. Ouais, mais ça, c'est 80 encore. Moi, je te parle justement le fait au moment où les gros studios ont commencé à s'intéresser à ces genres de réalisateurs-là en se disant, bah, il y a peut-être du cash à se faire. Et par contre, on leur laissait les mains libres, Ouais. tu vois. Donc peut-être qu'il y avait aussi cette espèce d'ouverture-là qui s'est faite un peu vers ces studios qui étaient un peu aux abois. Et donc, ils se sont dit, bon, peut-être il y a un coup à jouer Alors derrière, concrètement, quoi. je pense pas, parce qu'en fait, c'est. Enfin, Clint Eastwood, c'est pas le genre de mec à qui tu peux imposer un scénario ou une manière. Enfin, pour moi, c'est ou un sujet ou une manière d'interpréter les choses, ou voilà. C'est quelqu'un. Déjà, en fait, moi, j'avais vu que. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à faire ces films? Parce qu'en fait, il avait passé des tournages où il trouvait qu'on passait beaucoup trop de temps sur certains trucs et donc on balançait trop de fric. Et il s'est dit, bah, je vais me mettre à faire mes films, je vais me mettre à financer mes trucs. Donc c'est ce genre de mec-là. C'est-à-dire que c'est un mec, ok, il y a ça qui se fait pas, ben on va le faire. Il est assez direct, il est assez. Et puis sur ses tournages, il a toujours été réputé comme étant hyper droit dans sa manière Ouais, de bosser. il perd pas Voilà. de temps, c'est clair. Droit dans ses bottes, c'est plus lui. Donc tu peux pas arriver avec un mec comme ça en disant, ah oui, non, mais alors attends. Il y a ça serait bien de faire ça par rapport à Ouais, ça machin, peut nous faire gagner des sous. peut-être aussi que lui prenant le scénario, peut-être que lui a jugé que c'était pas correspondant à sa vision des choses, et il a remanié la chose, peut-être, Bah, moi je à pense que savoir. c'est plus inhérent à, en fait c'est pour moi c'est assez logique par rapport au reste de sa filmo, parce que bon on en parlera plus tard, mais pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il aime regarder les gens et finalement s'attarder sur les modes de vie de chacun en fait. Et que il est. Je le trouve assez observateur des gens, d'une certaine manière. Ouais. Même s'il romance beaucoup de choses, pour moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup de choses. Ça, c'est la tradition américaine. Ça. Voilà, mais du coup, mais je trouve qu'il a une tendance à s'attacher aux caractéristiques des gens. Et c'est pas, c'est pas étonnant qu'il s'attarde justement sur les libertés sexuelles s'il a senti que c'était quelque chose d'inhérent à son époque. Ça expliquerait une certaine séquence dans The Mule que j'ai pas pigé. Parce que du coup, en fait, on est en plein 71, il la vit cette époque. Ouais, il la vit, et je pense que ça a dû l'imprégner en fait, et que il a peut-être voulu aborder ce sujet-là. D'ailleurs, pour J. Edgar Hoover, il a abordé le thème de l'homosexualité du personnage aussi. Donc, très maladroitement et pas très bien fait. Ne spoilons pas trop pour ceux qui n'ont pas vu le film. Voilà, mais c'est pas très bien fait. Mais au moins, il tente. Mais voilà, c'est ça en fait. Et je pense que c'est un truc où. Et il condamne pas. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il était conservateur, blabla, etc., machin. Mais en réalité, je le trouve, pour l'image qu'on dit de lui, je trouve qu'il est assez ouvert, en fait, d'esprit. Ouais, plus ouvert qu'on le croit. Ouais. Il aime bien casser son image, il aime bien montrer qu'il va au-delà des choses. Ouais. Oui, donc La Corde Raide, de 1984, c'est un film qui est réalisé par l'inconnu Richard Tuggle. Et non pas, comme disait Nelson, une blague. C'est Richard qui a jamais, qu'on lui a demandé toujours de se taire. Voilà. C'est Richard Tuggle. Voilà, sauf que c'est Tuggle, T-U-G-G-L-E. Deux films au bataillon toute sa vie, deux, trois scénarios basta. En fait, le mec n'a jamais rien fait, il semble être un faire-valoir. Et pour cause, Clint Eastwood est crédité, enfin, il n'est pas crédité, mais clairement mentionné comme co-réalisateur du film. Et d'ailleurs, il co-écrit le scénario. Il va aussi placer sa fille. Enfin bref, Clint Eastwood va aussi s'approprier la musique. Il va faire la musique du film, tout ça. Et il faut aussi savoir qu'à l'époque, Clint Eastwood n'apparaît plus que dans ses propres films, tout comme Woody Allen. Donc un film avec un inconnu qui tourne, mais Clint Eastwood qui est un peu derrière de tous les plans, tu te dis, d'accord. Et sa fille dedans, fais gaffe. Voilà, d'accord, tu te dis, c'est un sujet un peu sulfureux, il n'a pas envie d'être forcément associé directement. Et pour cause, là, il joue le rôle d'un flic qui va pourchasser un tueur-violeur de prostituées. Sauf que les prostituées, c'est des filles que notre flic connaît très bien, qu'il est peut-être déjà allé voir. Donc du coup, ses collègues commencent à se poser des questions. Ce tueur qui est insaisissable et sur un coup d'avance, est-ce qu'il serait pas au sein de la police? Est-ce qu'il serait pas notre cher Clint, peut-être? Donc voilà, il y a beaucoup de quoi interroger les collègues et les spectateurs, cet honnête père de famille qui aurait d'étranges pulsions. Donc on le voit, c'est encore un Eastwood où à nouveau, il sort hors de sa zone de confort. Surtout que, bon voilà, comme j'ai dit, il prend sa propre fille, qui est Alison Eastwood, pour jouer la fille du héros, hein. Et on note aussi la présence dans le casting de Dan et Daya, ainsi que Geneviève Bujold, donc un casting assez solide pour un thriller passionnant. Et, petite anecdote à nouveau, etc., c'est un film qui est censé se dérouler dans la Nouvelle-Orléans, mais personne n'a l'accent, on va dire un mot de français cajun, etc. C'est le français régional de la Louisiane, tout le monde s'en branle. Ça, c'est bien les Américains, ils sont capables de nous faire croire qu'un Québécois s'est joué un Algérien dans le second Captain America, mais bon, on voit le truc, on fait « non, lol ». Non, voilà. Georges Saint-Pierre, non. Alors, il y a un truc intéressant, c'est qu'à nouveau, on peut rebondir sur cette question du regard que tu as développé sur Avoisson la nuit. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, on voit les chambres des prostituées, on peut voir aussi plusieurs plans comment elles vivent, tout ça. Donc, il y a comme une fonction un peu documentaire, on va dire. Mm-hmm. On sent que Eastwood a à nouveau bien potassé son sujet, qui s'est bien documenté. Allez voir les putes. Je, voilà. Je m'attendais à un truc dit par Nelson. C'est toi qui m'as tendu la perche. Donc, perche, pardon. Voilà. Et un peu plus tard, je parlerai d'un autre film sur la corruption de la police. Mais là, dans La Corde Raide, il y a déjà une question qui se pose sur le rôle de la police vis-à-vis des citoyens. Est-ce que les prostituées ont le même droit qu'un citoyen lambda? Et clairement, la réponse pour Clint Eastwood, c'est non. Malheureusement, non. Et voilà. C'est évidemment qu'un détail, parce que c'est vraiment l'enquête, le thriller qui prend la position. Mais quand on fait attention aux petits détails, comme pour Enfuissant la nuit, clairement des choses qui ressortent. Et c'est ça qui rend à nouveau le film passionnant. Nous allons aborder Un monde parfait. Yes. Avec Nelson. Bonjour les enfants. Non, alors en fait, on va parler de Un monde parfait, donc qui est sorti en 1993 et donc qui est avec Kevin Costner. Ça parle de deux évadés. De prison. Un Kevin Costner qui est en pleine gloire, hein, parce qu'il était. Il y a eu Danse à Vénéou, il y a eu Robin des Bois, donc c'est son époque. Ouais, c'est le high. époque Bodyguard et tout le tintouin. Donc, je crois qu'il avait eu un Oscar déjà. Bodyguard, je sais plus si ça vient après, hein, mais... Je sais plus, mais oui. Il avait eu un Oscar pour Danser avec les loups, je crois. Hein. Oui, quand même. Déjà, il était dans le high total. Puis et Waterworld. Oui. Non, mais Robin des Bois avait vachement marché aussi. Hein. Ouais, complètement. Donc, c'est surtout ça. Hein. Qui est d'ailleurs mieux que celui avec Russell Crowe, mais ça, c'est... Bah, Bodyguard, c'était, Bodyguard, c'était ouais, l'année d'avant Un Monde Parfait. Ouais, ouais, si. Et JFK aussi, j'avais complètement zappé qu'il avait fait JFK. Ah bon? Ouais, ouais. Mais non, mais JFK, c'est un peu, c'est imparable. Regardez la version longue de JFK, franchement, ça vaut le coup. Donc, ça se passe en 1963, c'est donc Kevin Costner qui joue un mec en cavale du nom de Butch Hayes, qui, en fait, est avec un autre gars, en fait, ils se sont évadés de prison et il se trouve qu'à un moment, en fait, Butch Hayes ne s'entend pas avec son coéquipier de cavale et son coéquipier de cavale, qui est un peu barré, il tente de prendre en otage un gamin et il se fait tuer par un US Marshal et Kevin Costner prend ce gamin avec lui et donc se lie une amitié, etc. Et ils sont poursuivis par les US Marshal, dont Clint Eastwood, qui joue donc le chef des Marshal des États-Unis. Je suis désolé. Donc du Marshal des États-Unis. Et voilà qu'en fait, le film, alors, c'est vrai que c'est une de ces. Personnellement, c'est une des réalisations de Clint Eastwood que je trouve les mieux faites, que ce soit dans le rythme, que ce soit dans la photo, que ce soit dans le scénar. C'est pas une cavale, c'est pas dans un rythme effréné, c'est un rythme, c'est très très posé. Et en fait, le film décrit vraiment cette espèce d'Amérique conservatrice. J'ai pas envie de dire du Texas parce que j'ai pas la Louisiane, mais enfin voilà. N'empêche que le Texas, il y fait souvent référence, hein, puis aussi politiquement parlant, c'est un républicain, il vote républicain depuis 1954. Il y a cette, c'est surtout, c'est la manière dont le personnage du gamin est traité, c'est-à-dire que au départ, c'est un gamin qui est issu d'une famille religieuse, je crois que c'est des chrétiens, c'est des baptistes, je crois. Donc c'est des gens très conservateurs, très à cheval sur la discipline, la tradition, etc. Donc c'est un monde qui est très fermé, on va dire, enfin en tout cas qui est très strict. Et donc en fait, dans le tas, il y a ce gamin, donc ce gamin qui a cette éducation là et qui fait complètement qui est complètement à l'opposé de ce qu'est le personnage de Kevin Costner. Et à partir de là, on voit cette espèce de différence, et cette différence qui au départ les éloigne, parce que le personnage du gamin, il voit clairement Kevin Costner comme étant le diable, quoi. Et puis petit à petit, Kevin Costner, il lui montre un visage, le visage vraiment humain, son visage à lui, et que lui dire, en lui disant voilà, j'ai fait une connerie, mais voilà, le pardon, la rédemption, elle peut arriver à un moment ou à un autre. On verra que dans le film, à part la suite, c'est pas vraiment le cas. Mais on voit aussi le personnage du Marshall qui est un bonhomme bourru, un peu à la, comme pourrait l'être le personnage de l'inspecteur Harry, ce mec un peu dur, etc. Mais en réalité, on voit que c'est là aussi ce que montrent beaucoup les films de Eastwood, c'est-à-dire ce côté très humain. C'est-à-dire, oui, on peut être un enculé comme on peut être quelqu'un de bien. L'essentiel, c'est de d'abord se connaître, en fait. Et ça montre, il y a vraiment cette dimension qui est très bien montrée dans ce film. Et du coup, moi j'ai accroché, c'est un de ces films dont je me souviens le plus, en fait, véritablement. Moi j'ai assez peu de souvenirs là-dessus, mais en fait, effectivement, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était vraiment de montrer le côté humain du personnage de Kevin Costner et du relationnel qu'il y avait avec le personnage de Clint Eastwood. Et on reste aussi sur ce truc de tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, que que les voilà, on peut être du mauvais côté de la barre, mais en même temps avoir un bon fond, voilà, enfin c'est pas assez, et c'est effectivement aussi on en revient à voilà, ils regardent les gens, en fait ils s'intéressent à la personnalité des gens, en fait. Moi je voulais juste dire aussi, dans le casting on a Laura Dern, en fait, qui la même année jouait dans Jurassic Park. C'est vrai, c'est sa grande année, ça. Et on a un mec qui, à chaque fois je découvre qu'il est dans des tas de films, en fait, que j'aurais pas cru. C'est Bradley Whitford, ça pourrait rien dire, mais en fait c'est lui qui joue dans Get Out, qui joue le mec un peu richou, qui essaye de faire venir des noirs pour je sais pas si on spoil ou pas Get Out, spoil, mais on spoil. Un tout petit peu quand même. Voilà, pour mais pas trop. Gros, qui fait venir des noirs pas dans sa demeure par sa fille, mais pour quelque chose de bien précis, on va voilà, dans un but très précis, c'est un guet-apens, quoi, en gros. Donc voilà, c'est qui, enfin en tout cas c'est lui, sa famille, en fait, qui font des guet-apens, voilà. Et le film s'appelle Get Out. Voilà, c'est des cannibales. N'importe quoi. Moi je voudrais juste rebondir à nouveau sur ça. Moi ce qui m'avait surpris quand j'avais vu le film, c'était le fait que le personnage du Marshall, joué par Clint Eastwood, aborde avec beaucoup de respect ce hors-la-loi. Ouais. Parce qu'on n'a pas dit qu'il y avait une dimension entre Butch et le gamin. Mais dans mon souvenir, il y a aussi le fait que le Marshall avait beaucoup de respect pour ce fuyard et voulait à tout prix faire en sorte de le capturer vivant, mais comme quelqu'un de reconnu à sa juste valeur. Il y a vraiment une intelligence entre les deux personnages. Ouais, c'est une chose qui est justement à l'époque, qui dans ce, justement, c'est là aussi ça marque c'est la marque conservatrice un peu du film. C'est justement ce truc de dire, alors la loi est un hors la loi, il mérite la mort. Et le personnage du Marshall montre bien que non, il ne mérite pas la mort. Attends, on va d'abord l'arrêter, on va le juger, ensuite on verra. Et ce truc, c'est là où justement le personnage du Clint Eastwood se pose en homme de loi, mais avec un certain respect pour le mec, pour le fuyard, en lui disant, écoute, on va t'amener à un juge, tu seras jugé, et après il t'arrivera ce qui t'arrivera. Et ça, c'est un truc qui est... à l'opposé complètement justement d'un personnage comme, si on compare encore à l'inspecteur Harry, si je puis, voilà, qui est quelqu'un qui a une justice, et c'est sa justice, pas celle des juges. Là, c'est autre chose. Là, c'est un personnage qui a une morale, et cette morale, elle est de dire, on va t'amener à la justice et après on verra. Voilà. Donc, regarder Un monde parfait, c'est franchement un très bon film. La route de Madison. Alors. 95, c'est ça ? Oui, voilà. Alors, La route de Madison, j'ai une histoire un peu troublée avec ce film. Pendant longtemps, je m'en suis tenu à l'écart. J'ai toujours retardé le visionnage parce que je me disais, ouais, bon, c'est une histoire d'amour, tout le monde en parle, ça va être gnangnan, etc. Voilà. Et gnio. Voilà. Et des fois, on se dit qu'on mérite des baffes, parce qu'on est quand même très très con. Merci. Parce que, voilà. Le film est en fait une merveille de subtilité, de profondeur, d'intelligence, pour nous conter une courte mais fabuleuse passion amoureuse le temps d'une poignée de quelques jours entre un photographe itinérant qui est joué par Clint Eastwood, il photographie tous les ponts de la comté de l'Iowa pour le National Geographic, et une mère de famille qui est rangée, qui est jouée par Meryl Streep, donc elle a sa petite vie à côté, etc. Elle aurait jamais imaginé qu'elle aurait à avoir une passion amoureuse, mais vraiment ressentir l'amour pour cet homme qui est un peu plus âgé qu'elle, voilà. Et donc c'est tiré d'un best-seller de Robert James Weller, et le film a été nominé à plusieurs reprises, notamment Oscar de la meilleure actrice pour Meryl Streep à la cérémonie des Oscars de 96, et en fait ce sera Susan Sarandon qui va la voir pour Dead Man Walking, allez, sa dernière marche, de Tim Robbins, film que personnellement j'ai un peu oublié depuis le temps. J'avoue, là... voilà. Mais en même temps, la même année, il y avait Casino avec Sharon Stone, meilleure actrice qui était nominée aussi. J'ai eu très très peur. Je voulais dire, la même année, il y a eu Casimir. Enfin, bref, la concurrence était quand même rude. Donc voilà, le film avait quand même plusieurs prix, notamment un prix, le cinéma John Poe, du meilleur réalisateur étranger. Et là, j'ai envie de dire, merci le Japon. Et aussi, en France, il a été élu par les cahiers du cinéma dans les meilleurs films des années 90. Donc voilà. En même temps, c'est les cahiers. Hein. Voilà. C'est les cahiers, mais j'ai envie de dire, j'approuve le choix de ce film que j'ai mis longtemps à voir, parce que on va rebondir à nouveau sur la question du regard. C'est un film qui est très sincère. Là, Eastwood y s'immisce avec Meryl Streep dans une vie d'une mère de famille orangée, donc la mère au foyer, dans la ville banale, qui a des petites histoires. Donc on sait que c'est une histoire, il faut pas que ça se sache, parce que l'adultère, ça pourrait être très mal vu par les gens du coin. C'est vraiment la petite Amérique profonde qui est filmée par la... Mais c'est filmé, jamais de complaisance, rien. C'est sobre, c'est simple, c'est basique, il va direct sans fioriture. Le film dure 2 heures, on voit pas le temps passer, donc c'est nickel. Et j'ai envie de dire aussi, je vais pas spoiler, la fin, c'est un des plus beaux films, un des plus beaux plans de la carrière d'Eastwood. Et en tant qu'acteur aussi, c'est un de ses plus beaux rôles aussi. La dernière scène avec lui, voilà. On voit que c'est un grand acteur, mais si on regarde le film sur The Madison, Meryl Streep est génial et Eastwood aussi, il est grandiose. Mais tu sais, quand tu abordes... quand tu dis que par rapport au personnage de Meryl Streep, comme quoi on est dans un petit bled qu'il faut pas trop que ça se sache, etc. et tout, parce que c'est une femme seule, etc. Bref. C'est pas du tout une femme seule, justement. Elle a un mari, tout ça. Oui. Mais pendant quelques jours, le mari, il est parti, il l'appelle au soir pour dire tout va bien. Justement, son mari, voilà, après, il est pas là. Mais du coup, en fait, on est sur. Et ça, on le verra pour un autre film, on est sur. Ce qui est bien ou pas, en fait, pour une femme. C'est-à-dire que il y a un truc que je trouve qui est pas si mal, en fait, dans... Enfin, qui est pas si mal. Ça dépend sur quoi, en fait. C'est sur la filmographie de Eastwood, c'est le rôle de la mère. Il y a ce rôle de mère, de femme au foyer. Il y a ça, il y a aussi un film dont on parlera plus tard, où finalement il y a cette image en fait qui est bien au niveau de la société à faire paraître. Et on sent qu'il a quand même pensé à la question, parce qu'il l'a abordé quand même plusieurs fois. Oh oui. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que bon, déjà, il ne jugera jamais ni le personnage de la femme, ni les autres personnages du village, ni rien. Mais il montre quand même, ça laisse sous-entendre qu'elle s'est mariée avec son mari, elle a sa vie, mais elle s'est enfermée dans une routine, elle aime encore son mari, tout ça. Mais c'est une routine basique, tu te dis, c'est peut-être pas le premier homme qu'elle a connu, mais peut-être un autre truc, etc. Il y a une famille, mais elle s'est tellement enfermée dans sa routine que le jour où il y a quelqu'un, où là elle ressent vraiment l'amour dans sa vie, et tu te dis, il y a cette décision, est-ce qu'il faut tout abandonner pour ça, ou est-ce qu'il faut rester réaliste et continuer cette famille en gardant ces bons moments en nous qui nous permettent d'avancer. Et c'est une espèce de point de bascule que je trouve vraiment passionnant, qui fait tout le sel du film. Mais c'est ça, quand tu dis, il ne juge pas, on en revient à pareil dans Un frisson dans la nuit, il ne juge pas le mode c'est de vie des gens. Et c'est ça que je trouve très bien avec Eastwood, ce regard, ouais. Comme on dit. C'est un adultère et elle adultère. Oh là là. Je crois qu'on va couper au montage parfois. Ouais, ouais. Tira au cachot. Au pain et à l'eau. Au pain et à l'eau. Alors, on va aborder, on va faire un saut dans le temps, parce qu'on passe de 95 à 2008. On va aborder l'échange de 2008, donc avec... Angelina Jolie. Oui, c'est un film assez étonnant, parce que déjà, on n'a pas l'habitude de voir Eastwood faire un bond aussi loin dans le temps, vu qu'ici, c'est la reconstitution des années 20, pour un drame qui surprend agréablement, d'ailleurs. C'est basé sur un fait divers réel, qui fut l'enlèvement ou le meurtre de plusieurs enfants entre 1926 et 1928, par un tueur en série pédophile, nommé Gordon Stewart Northcott. Et le film explore intelligemment toute la corruption des services de police. Les poulets, ah, voilà. Et ça montre combien toute cette corruption va desservir l'enquête et choisir de l'étouffer en prétendant restituer une victime vivante à sa mère, Christine Collins, qui est jouée par Angelina Jolie dans le film. Sauf que Christine s'apercevoir que le gamin qu'on lui a rendu, c'est pas son enfant. Gros malaise, hein. Et quand elle va essayer de clamer la vérité dans les médias, le capitaine de la police va choisir de l'interner en psychiatrie de force. Donc de mieux en mieux dans la police, hein. Voilà. Donc à la base, le film devait être réalisé par Ron Howard, mais ce dernier va se désister. Et Eastwood va s'approprier pleinement le projet. Et voilà, quand je dis qu'il s'approprie pleinement le projet, à nouveau, par exemple, c'est lui qui choisit directement Angelina Jolie pour le rôle. C'est lui qui va composer la musique lui-même. Ça va pas être Kyle, son fils, ça va être Clint. Voilà, et il a bien fait de choisir Angelina Jolie parce qu'elle y est incroyable. Et je ne suis pas fan d'Angelina Jolie, je n'ai pas été payé pour ça, donc je le dis, elle est incroyable. Et il faut aussi noter que le film s'avère assez ambigu. C'est à nouveau la question du regard chez Eastwood. Et je trouve que c'est à nouveau une preuve que c'est un film très riche. Par exemple, on sait que le meurtrier, donc c'était le bon. Là, c'était pas une victime innocente qui était. C'est vraiment le meurtrier qui a été retrouvé par la police. Et on sait qu'il y a eu des enfants qui sont échappés, qui ont réussi à échapper, qui ont dit qui c'était. Voilà. Mais jusqu'à la fin, le meurtrier, il demande à voir la mère de la victime. Il a vraiment vu la mère du gamin. Mais il lui a jamais dit ce qui s'est passé, s'il avait tué ou pas le gamin. Et c'est très ambigu. Il va refuser de parler des meurtres. Il avoue qu'il y a eu des meurtres, mais il refusera tout détail à ce propos. La scène de pendaison, qui est même courte, elle est non complaisante, elle est vraiment très sèche et dure. Et pour ma part, je trouve qu'il serait pas étonnant d'y voir une sorte de réquisitoire de Eastwood contre la peine de mort. Ah, moi c'est marrant, j'ai vu le contraire en fait. Et justement, la fin du film, elle est ouverte et elle est vraiment laissée à l'appréciation du spectateur. Et je vais pas spoiler, parce que la réalité, ça va être encore beaucoup plus cruel dans la réalité. Donc le film n'a pas besoin de se forcer à être encore plus sombre. La fin est ouverte et en fait, il trouve toujours le ton juste. Ce qui fait que pour moi, L'échange, c'est un chef-d'œuvre. Et on va noter à nouveau une distribution de folie avec Angelina Jolie, John Malkovich, Colm Feore, Amy Ryan. Et comme pour La Corde raide, évidemment, c'est un très court rôle de la famille Eastwood avec une certaine Morgan Eastwood, qui est la fille de Clint Eastwood et Dina Eastwood. Dina qui fut la femme de Clint de 96 à 2014. C'était la minute potache. Alors, en fait, moi, pour le coup, il y a plusieurs choses qui me tiltent. En fait, c'est déjà ce rapport avec la police, la manière dont est dépeint la police. C'est-à-dire que, ok, corruption, blabla et tout, etc. Mais il y a surtout ce côté de la police d'être au-dessus des citoyens, d'en faire ce qu'ils veulent, en fait, et notamment des femmes. Oui, et Parce quand que. comme on a parlé de la corde raide avant, on sent que c'est quand même un sujet qui lui tient à cœur. Et notamment, ouais, et donc, c'est surtout qu'en fait. Voilà, il y a une espèce de. On parlait enfin, du rôle de mère. C'est-à-dire que clairement, on lui donne un gamin et on lui dit fais ton boulot de mère, occupe-toi du gamin, quel que soit, et même si c'est pas le tien, c'est ton boulot de mère, vas-y, occupe-toi du gosse, quoi. C'est vraiment une manière de réduire C'est le ça. rôle des femmes à une fonction et un rôle très très précis. Et puis finalement, en fait, il y a plein de petites phrases qui sont d'une condescendance, qui montrent la condescendance totale de ces hommes, justement, en fait, envers les femmes. C'est-à-dire que quand elle se précipite vers le train, en fait, lui, il essaye comme clairement, quand on le donne le premier gamin, c'est pour redorer Le le blason. blason. Oui, le blason de la police. Donc clairement, en fait, on lui dit surtout n'oubliez pas de signaler le rôle de la police. Et en fait, elle se précipite vers le train. Et la petite réflexion, en fait, complètement de condescendance, c'est ah, les femmes. C'est comme si finalement, en fait, ça devait être aussi important de oui bien rappeler le rôle de la police plutôt que de se précipiter vers son gosse, en fait, qu'on est censé avoir retrouvé. Et c'est toujours cette manière de ramener ça aux femmes, ou genre de douter de sa parole. C'est-à-dire que la police veut tellement nier qu'elle s'est plantée, qu'elle réduit sa parole de femme. C'est-à-dire, le dit, tous les plus grands experts ont dit que c'était votre enfant. Bah oui, mais moi, en tant que mère, en fait, j'ai pas le droit de dire que c'est mon gosse, que c'est pas mon gosse. Et oui, mais non, vous savez, vous êtes un peu confuse, tout ça. Et c'est le discours classique, en fait. Voilà, la femme est mue par ses émotions et qu'elle n'a pas toute sa tête et que machin, etc. En fait, d'où aussi le fait de l'interner, parce que finalement, c'est voilà, on en fait ce qu'on en veut et il faut absolument que elle dise que oui, c'est bien, la police, elle a bien fait ce qu'il fallait, etc. aussi, quoi. Il y a un passage assez intéressant justement pour rebondir ce que tu dis. À un moment, elle essaye de montrer, mais regardez, c'est pas mon fils, il est beaucoup plus petit. Et là, le médecin dit, oui, mais vous savez, il a voyagé dans une boîte, il était emprisonné, etc. Sa colonne vertébrale s'est raidie. Et Oui, là, on lui dit que n'importe c'est le qui, choc. voilà, on peut pas être dupe. Et même elle n'est pas dupe de cette espèce C'est d'embrouille de ça, truc, quoi. on lui dit que c'est à cause de son choc émotionnel qu'il est possible que sa colonne vertébrale est réduite, quoi. Et on voit bien ce qui a intéressé à nouveau Eastwood sur sa vision de la femme, etc., comme sur ses précédents films. Et là, du coup, en fait, on est vraiment encore sur le questionnement du rôle de la mère et finalement de la femme aussi, parce que finalement, pour un frisson dans la nuit, ce qu'on n'a pas dit, c'est que on est quand même sur des vrais rôles de femmes, en fait, dans Un frisson dans la nuit. C'est-à-dire qu'il y a le rôle de Toby, qui est la femme de sa vie, qui vit visiblement une vie sexuelle épanouie. Là, il y a ce personnage de Jessica Walker qui vit visiblement une vie assez libre aussi. Et finalement, quand il auditionne pour un travail, la patronne, c'est une femme aussi. Mmh. Donc, dans Un frisson dans la nuit, il dépeint des femmes qui sont finalement assez indépendantes. Et là, sur l'échange, le rôle d'Angelina Jolie, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il démontre une femme qui est mère, qui assume, qui est mère célibataire et qui en même temps a une vie professionnelle. Et une vie professionnelle où elle excelle dans son travail, visiblement. Oui, dans une époque où justement les femmes sont encore plus restreintes, quoi. Son patron lui dit à un moment, voilà, moi mes supérieurs, quand ils m'ont dit que j'allais embaucher une femme à ce poste-là, on m'a critiqué, mais je le regrette pas, j'ai vu vos résultats et tout. Donc il y a cette petite chose de montrer finalement des femmes qui sont libres et d'elles et de faire ce qu'elles veulent de leur vie et d'être indépendantes en fait. Surtout à cette époque-là où il y a un conservatisme encore plus fort. Mmh. Et c'est simple, c'est si tu as de l'argent, tu peux vivre une vie comme ça. Mmh. Sinon, les pauvres, c'est le carcan social le plus étriqué, le plus serré possible, quoi, tu vois. Mmh. Donc c'est ça, c'est les séquences dans ce film. Et sur la police, je trouve qu'il y a une vraie critique de la police à ce propos-là, parce que quand tu regardes, même à la fin, quand ils se font pincer d'avoir fait des conneries, en fait, et que ils vont retrouver la vraie mère du gamin qui voulait lui refiler au début, pour finalement recommencer le même cercle médiatique et dire « Regardez, on a trouvé la mère du gamin !» Et finalement, de nouveau avoir l'air que c'est sans fin, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment de dire la police, finalement, les gens, ils en ont rien à foutre, en fait, ils veulent juste paraître bien, quoi. On va aborder un film de 2010, Au-delà. Au-delà. Oui. Alors, après les doubles sommets que sont Grande Torino et L'Échange, tous deux tournés en 2008, mais que Torino sortira en France en 2009, février 2009, le cinéaste va connaître un petit creux filmique dont il ne sortira à la faveur de critiques qu'avec J.R. The Boys en 2014 et American Sniper en 2014 aussi. Coincé entre deux autres films au sujet prétendument plus sérieux, que sont Invictus en 2009 et John Edgar en 2011, Au-delà pourrait apparaître comme une simple petite récréation. Et pourtant, et je vais défendre ce film un peu, c'est déjà l'unique incursion d'Eastwood dans le fantastique. Tout comme Space Cowboy était l'unique incursion plus ou moins science-fiction, plutôt dans l'espace. Voilà. Et le film, justement, a le mérite, au-delà d'une histoire un peu trop basique qu'on a critiqué un peu partout, d'être quand même parfaitement regardable. Voilà, et surtout, c'est l'occasion pour le cinéaste d'évoquer, elle est alors âgée de 70 ans, car il est né en mai 1930, voilà, ça fait déjà 70 ans pile, c'est aussi pour lui l'occasion d'évoquer la mort, de diverses manières, à travers trois personnages, donc trois possibilités d'échange et de réconciliation avec celle-ci, via d'abord ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente, ou en anglais le NDE, Near Death Experience, ou bien la médiumnité, voire en fait ensuite le fait de survivre de justesse à un attentat. Donc voilà, trois possibilités, et les mauvaises langues ont glosé sur le personnage journaliste de La Française joué par Cécile de France, ou même l'amourette un peu niaise vécue entre Matt Damon et Brazza Saward, en évoquant justement le fait que cela permet d'alléger agréablement un sujet qui est déjà bien lourd et douloureux, vu que cela nous concerne tous intimement, la mort, vu qu'au fin du compte, on y sera tous confrontés. Donc voilà. Et globalement, dans toute sa globalité, le visage du film, malgré ses petits défauts, ça se tient. Et il faut aussi noter qu'on a une importante reconstitution d'un tsunami, impressionnante vraiment, potable, avec des effets spéciaux un peu numériques, ce qui est rare chez Eastwood, mais ça tient, ça ne vieillit pas, et c'est aussi un Eastwood dont on n'entendait rien du tout, et dont on sort finalement avec pas mal de satisfaction. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas là la définition d'un vrai cinéma populaire ? C'est horrible parce que je crois que je l'ai vu mais que je m'en souviens pas. En fait, je regarde les castings et tout, je me dis mais putain, je l'ai vu en fait. Non mais il y a Thierry Neuvik aussi en comédien français. Alors lui, c'est pas quelqu'un que je reconnais. Thierry Neuvik. Oh la vache. Ouais, il y a des petits comédiens français chez Eastwood. Ouais, mais putain, c'est ouf, j'aurais jamais pensé qu'il était dedans, moi. Non, mais franchement, c'est un Eastwood mineur, mais j'ai envie de dire qu'il faut le réévaluer. Parce avec des acteurs mineurs. Des acteurs mineurs, Mais pas mineur tout jeune. Ouais, ouais. Hein. Et j'ai envie de dire qu'il faut le réévaluer parce que quand on me dit mineur, c'est dans les pires histoires, j'ai envie de dire non, il y a beaucoup plus pire chez Eastwood. On va y venir peut-être. Mais du coup, dans les thématiques par rapport aux personnages, etc. et tout, toi, tu vois quoi par plus alors politique, ça m'est sur un sujet pareil, je pense pas, mais d'un point de vue sociétal. Non, mais pour moi, je trouve ça intéressant parce que Eastwood a toujours posé un regard sur les personnages, et là, on a l'impression que mine de rien, il va poser un regard sur lui-même et sa propre mortalité en se posant la question comment je vais y faire face. J'ai 70 ans, elle va venir, voilà. Et il aborde plusieurs sujets, donc avec le médium qui est joué par Matt Damon, qui était un ancien médium. Il a tourné ça, c'est une histoire de son passé, il a tourné ça, mais son frère le contacte pour essayer de faire ressurgir ce passé, donc que Damon veut oublier. Il y a Cécile de France qui donc va vivre une expérience de mort imminente, parce qu'elle va se trouver en plein tsunami, elle va prendre un choc, elle va manquer de se noyer, et pendant quelques instants... Mais du coup, pour toi, il est sur un questionnement complètement terre-à-terre, en fait, au final. Ça a l'air que c'est... Terre-à-terre, je sais pas si on peut dire ça. C'est un petit côté fantastique, mais c'est un questionnement perso qui peut-être le touche peut-être beaucoup plus que nous autres spectateurs. Mm-hmm. Et ce serait pas étonnant, du coup, que les plusieurs spectateurs se sont trouvés un peu largués devant un film qui peut-être ne plaira peut-être qu'à Eastwood, où il s'est fait pleinement plaisir, voilà. Et je crois que ça m'a foutu les boules, en fait. Là j'ai des souvenirs qui remontent, je crois que ça m'a foutu moi les boules parce que justement ça abordait le sujet de la mère et la mort et que j'ai pas été super à l'aise avec le voilà truc, j'ai en fait. L'impression qu'on tente d'évacuer le film derrière l'aspect du genre ouais c'est pour bien bouf bouf bouf, parce qu'en fait le sujet est peut-être beaucoup plus profond et qu'il nous concerne tous, qu'on n'a pas envie de l'aborder directement, surtout si on n'est pas bien dans sa vie, tout ça. Tout dépend comment c'est abordé, c'est à dire que on peut être dans un truc où on nie l'éventualité, on s'imagine des trucs qui n'arriveront pas, etc. Mais puis il y a le côté très terre à terre, elle est pas ça. Et puis surtout, il y a une idée que le film, que personne n'a parlé, c'est l'idée de la reconstruction. J'ai Matt Damon, qui était un ancien médium, qui essaie de se reconstruire, d'avoir une vie normale. Cécile de France, qui est comme une paria dans les journalistes, etc. Elle veut se reconstruire, elle veut avoir une vie normale. Le troisième histoire avec le mec qui échappe aux attentats de Londres de justesse, qui a failli mourir, c'est à nouveau l'idée de la mort, qu'il pouvait pas faire face à ça, il ne pouvait pas y couper. C'est l'idée à nouveau, et j'ai envie de dire, ça peut faire écho, d'une certaine manière, à quelques années plus tard, nous avec en France, le Bataclan, les gens qui ont survécu, ouais. Etc. Voilà. Non, je trouve que c'est peut-être sujet terre à terre, mais je trouve que c'est le genre de film qui, nouveau cinéma populaire, qui, quand tu creuses le vernis, qui mérite d'être vu pour les qualités qu'il a. Évidemment, comme j'ai dit, il a des défauts, la petite amourette de passage avec Bryce Dallas Howard. C'est peut-être le film où il est peut-être le moins dans une conception idéologique et politique, finalement. Peut-être. Mais avec Space Cowboy, il faudrait que je me revoie Space Cowboy, mais il y avait aussi cet aspect-là, au-delà de l'aspect conquérir pour redorer le blouson de la NASA, qui est typiquement américain. NASA, c'est vraiment une entreprise comme ça, voilà, il faut pas le cacher, c'est devenu une entreprise comme les autres, comme Tesla, comme Amazon, tout ça, qui a une propre image. Il y a aussi l'idée dans Space America Cowboys de montrer bien avant que Armstrong retourne dans l'espace, de montrer la vieillesse des personnes de troisième âge qui ont été des héros, donc redorer aussi les personnes qui sont confrontées à leur vieillesse, tout ça, etc. C'est 99 Space Cowboy, donc c'est 10 ans avant au-delà, donc la soixantaine pour Eastwood. Il figure dans le film aux côtés de Tommy Lee Jones. Il n'y a que des petits vieux. Voilà, c'est aussi un film derrière l'aspect divertissement, un film personnel, quoi. Ouais, bah c'est que des bons acteurs, quoi. Mais voilà, c'est aussi, on va dire, c'est peut-être un film tout mignon, tout mineur. Ouais, mais comme pour au-delà, j'ai envie d'y voir quelque chose un peu plus personnel pour Eastwood de gratter. Par exemple, Créance de sang, là, oui, c'est de la série B, il se fait plaisir, un film policier basique, et voilà. Bah du coup, on va passer sur l'antithèse du film, a priori, hein. Le film, c'est American Sniper, oui. 2014, son plus gros succès commercial, mais pour moi, son film qui est le plus controversé, par le personnage, Chris Kyle, qui est dans le film, donc le héros du film, un type élevé dans la foi chrétienne. C'est inspiré d'un vrai mec, en fait, qui était un sniper de l'armée américaine, qui était dans les troupes d'élite de l'armée américaine, qui a été envoyé, en Irak, et dont le record de kill, pour parler comme les Jones qui jouent à Call of Duty, qui a tué apparemment un grand nombre de personnes au sniper, Le problème, c'est qu'en fait, son soi-disant record, il n'est pas homologué par l'armée américaine. Et Ça l'a fait mal. ça, ouais, ça lui a fait, ça a pas parti que ça l'a fait chier. Le truc, c'est que, voilà, semble-t-il qu'il a été surnommé la légende par les soldats des troupes américaines pour le fait qu'il ait tué énormément de gens avec son fusil sniper. Et donc, ça raconte un peu la vie de ce mec qui est élevé dans la foi chrétienne, dans un monde très conservateur, où on lui a dit, voilà, c'est simple, dans la vie, il y a les loups et il y a les moutons. Vous voulez être les loups ou vous voulez être les moutons? En gros, c'est ça. Donc, ça raconte l'histoire de ce type qui s'engage dans l'armée et on le suit dans son parcours dans l'armée. Qu'est-ce qui l'a motivé à aller dans l'armée? Donc, apparemment, c'est l'attentat de Nairobi en 98. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a, comment dire, forgé dans l'armée? Comment l'armée a fait de lui un homme? Comment l'armée l'a envoyé à une mort certaine? Et comment il s'en est sorti? Parce que c'est un putain de Le militaire warrior, américain, un battant. etc., etc., etc. Alors, ce film est Eastwood, il avait dit dans une interview, j'ai voulu faire un film qui soit bienveillant avec avec justement nos troupes qui ont été envoyées en Irak parce qu'ils font du bon boulot. Et c'est peut-être plus que bienveillant là, Ouais, ce voilà, stade. c'est quand même beaucoup plus que bienveillant parce que quand tu regardes le film, tu te dis, ok, donc ça c'est un tract politique, mais c'est pas un tract politique. Est-ce que il a voulu? Tu veux dire que c'est un tractopelle là? C'est un tractopelle, voilà, c'est exactement, c'est un tract politique. Alors, est-ce qu'il a voulu montrer ce que, parce qu'au départ, c'est inspiré du bouquin de Chris Kyle, qui s'appelle aussi American Sniper. Est-ce qu'il a voulu montrer toute la, comment dire, toute la force d'un tract politique que contenait qu'était ce bouquin? Ou est-ce qu'il a voulu montrer un petit peu de ses idées conservateurs dans le film? Je parle de comment il s'appelle, de Clint Eastwood. Ça, je sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que bah, l'ouverture du film, putain de merde. J'ai l'impression de regarder Navy SEALs avec Charlie Sheen et Michael Biehn. Vraiment. J'ai l'impression de regarder ça, c'est-à-dire ces espèces de films moitié propagandaire, moitié scénar improbable, moitié tract de propagande, quoi. Véritablement, parce que dedans, y a pas, on passe du temps avec un type qui est en fait est un mec qui n'aime que lui. Tu vois? Le personnage, il ne n'aime que lui. Il n'y a pas le personnage féminin, donc le personnage de sa femme, il est inexistant dans le film. Genre, c'est à peine si on commence à prendre conscience qu'elle existe à partir de la deuxième moitié, voire la troisième partie du film. On passe, on va sur ses exploits, mais en réalité, ses exploits, il y a certains de ses exploits qui font deux lignes dans le bouquin. Notamment, on monte un truc, on monte une espèce de hype autour d'un tireur syrien qui s'appelle Mustapha. En réalité, le truc, il fait même pas une page dans le bouquin. Et en plus, le personnage de Chris Kyle, c'est un mec déjà dans la vraie vie, c'était un mec controversé. Je dis c'était parce qu'en fait, il est mort. Il est mort, il a été, il avait, à la fin du film, on en parle, mais en fait, il avait un programme de réinsertion pour les anciens soldats qui étaient victimes du PTSD, donc le syndrome post-traumatique. Et que, Il n'a pas tenu. ben, en fait, c'est-à-dire que le mec, c'était un centre. Oh, comment on appelle ça? Réinsertion? C'était pas de la réinsertion, mais c'était une espèce de parole de vétéran. Ah, Mais les centres c'était. pour vétérans, ils font Voilà, ça mais souvent. c'était un Ce que truc John avec Rambo aurait dû avoir. thérapie par les armes. La vache. Un truc. Est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, et thérapie par les armes. Et en fait, le mec, il est tombé sur un gars qui était un peu plus ouf que ceux qu'il avait d'habitude. Et il a sorti un gun et il l'a tué. C'est comme ça qu'il est mort, Chris Kyle. Et en fait, c'était un personnage controversé parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été avancées dans le bouquin qui n'existent pas. Et par exemple, quand on lui a montré par A plus B que bah, il n'y avait pas d'armes de destruction massive comment ça s'appelle, en Irak. Et puis, vous êtes fait péter par la douane avec une réplique, bah, les calaches en or, les armes en or de, comment il s'appelle, de Saddam. Il en avait volé une. Il s'est fait péter à la douane avec ça. Donc, y a des choses comme ça. Quand on lui a pointé donc sur le nez qu'il n'y avait pas d'armes destruction massive, le mec, il dit, genre, tout fermement, ah, mais si vous saviez ce qu'on avait trouvé, mais on peut pas vous le dire, c'est top secret. Arrête tes conneries, mec. Tu vois, c'est bon. Maintenant, on sait très bien qu'il n'y en a jamais eu. Il y a des tonnes de rapports qui le disent. Il y a tout un tas de choses en fait qui ont été avancées par ce mec qui n'existe pas et dont l'armée n'a pas à démenti. L'armée a démenti. Donc forcément, pour en venir au film, le film avance tout un tas de choses et glorifie tout un tas de choses qui sont pour moi tout à fait inutiles. C'est juste pour faire monter de la hype. Le vrai sentiment du personnage, si on avait eu vraiment comment dire, une vraie interaction qui soit autre que son interaction avec les membres de son équipe, parce que s'il y avait eu des vraies interactions avec le personnage du petit frère, par exemple, parce que le petit frère, c'est une victime hein, dans le truc, hein, c'est genre le mec, oh mon grand frère, il est plus fort que moi, je l'adore, je suis en transe sur lui, mais en réalité, moi, j'ai été faire la guerre, j'étais un incapable, et on n'explique pas. Pourquoi il a été sa relation avec son frère, etc. On ne l'explique pas. On n'explique pas son. Il y a rien sur sa relation avec sa femme, le fait qu'il n'ait pas réellement comment dire, d'interaction avec cette femme avec qui il s'est marié, avec qui, enfin, qu'il aime, quoi, mais qui a pas d'impact sur. On a l'impression que dès qu'il rentre chez lui, la guerre a pas eu d'impact sur lui, tu vois? Ou très peu, ou c'est très vite éludé dans le film pour tout de suite retourner à la guerre une demi-heure plus tard, un peu plus loin dans le film. Y a pas tout le truc est juste un jeu de massacre sur un terrain de guerre avec des séquences de bravoure dont on se dit c'est bon quoi, c'est putain, c'est terminé Rambo 3 quoi. C'est arrêté de nous faire le revival de Rambo 3. J'ai vraiment pas aimé ce film, comme vous avez pu le constater. J'ai pas aimé ce film. Je n'aime pas ce qu'il est, je n'aime pas ce qu'il représente. Je n'ai pas. Je l'ai vu plusieurs fois et j'en ai toujours la même. Fallait le vouloir, hein, parce que moi, un film que j'ai pas aimé, je m'y remets pas. Ouais, moi, je me pose une question. Face à tout ce qu'on a déjà dit déjà sur le parcours de Clint Eastwood, est-ce que tu dirais pas justement que ce film, c'était une manière pour montrer que le vieux cinéaste, vis-à-vis des producteurs d'Hollywood, on avait encore sous la semelle, il avait encore des couronnes, comme on dit. Des cornes. Bah non, parce que en fait, moi je pense que le mec il a. Je sais pas si. Je vais éviter de faire comme je viens de faire tout à l'heure, c'est-à-dire d'interpréter la vision politique éventuelle de Clint Eastwood. Je vais éviter de faire ça. Alors que ce film s'y d'accord. prête largement. Ce film s'y prêterait largement. Je pense que peut-être que Eastwood, alors je mets des grands guillemets, mais peut-être que Eastwood a voulu simplement retranscrire ce que reflétait le bouquin, savoir un espèce de monde Intérieur. non mais c'est genre une espèce de théorie de la forteresse assiégée, à savoir un mec qui est complètement dans l'idée que tout ce qu'il fait est bien, Et absolument tout est bien, qui est c'est-à-dire replié que sur son nombril, quoi. voilà, c'est-à-dire que on va à la guerre, ouais, on va à la guerre parce qu'on va aller apporter la paix, le machin et tout. T'as l'impression de regarder G.I. Joe, quoi. Et il y a une espèce de sentiment un peu chelou, pardon, au travers du film, que j'ai vraiment l'impression que j'ai l'impression réellement de regarder Rambo 3, quoi. Vraiment, ou Rambo 2, c'est-à-dire ces espèces de trucs où. Alors qu'il y a déjà eu le quatrième Rambo d'ailleurs qui est sorti entre-temps. Ouais, mais c'est-à-dire ce truc qui te dit si on y va, c'est pour gagner, quoi. Si on y retourne, c'est pour gagner. C'est nous qui avons raison, c'est nous qui sommes dans le vrai. Pour Il n'y a combattre la jamais de mise en guerre, état. il Ouais, faut être la guerre. et puis il y a un truc qui m'a un peu interpellé, c'est cette séquence qui fait penser à. Comment il s'appelait le Michael Cimino avec où ils vont à la guerre avec il y a Ah, la... De Niro, c'est senti c'est pas senti la guerre, c'est non, c'est le tout premier qu'il a fait c'est ah The Deer bon Hunter. ouais, je sais plus comment il s'appelle en J'ai plus dit français. français, mais c'est The Deer Hunter, Ouais, ouais. la séquence avec le mariage, tu vois, où les mecs ils font Ah oui, mais ça c'est pour montrer vraiment toutes les préparations avant et pour après pour montrer le contre-coup de ce qu'ils vont se prendre dans la gueule, quoi, ouais, c'est et ça qui bah et a... bah là c'est bah là c'est Voyez au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils montent une même séquence, seulement n'y a pas de truc derrière de ouais, on a. On... Enfin, oui. Derrière, c'est carrément, si on est victorieux, on perd quelques mecs. Voilà. Y a pas parce que c'est la guerre, on perd des hommes. Il n'y a pas le trauma montré comme voyage au bout de l'enfer. Il n'y a pas le trauma montré comme le voyage au bout de l'enfer. Il n'y a pas ce trauma-là. Donc, du coup, on est complètement. On se dit, mais c'est. Qu'est-ce qu'il veut montrer, là, le père Eastwood? C'est ça le truc. Et cette espèce de vibe guerrière que je trouve ultra malsaine dans le film. Et qui d'ailleurs, qui quand on dit toutes ses filmographies, même le maître de guerre où il abordait l'armée, s'était pris avec quand même un peu de dérision, d'humour, etc. Pour montrer un peu le côté être respectueux de l'armée américaine, mais aussi en même temps dire que, ok, les mecs, c'est un peu du cirque aussi, voilà quoi. Ouais, mais là, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un film cadeau, donc voilà. Ouais. Bah ouais, mais là c'est... Là, franchement, je... Véritablement, c'est là le départ, ça aussi que je veux dire, c'est là le point de départ de la filmo de Clint Eastwood où il va se mettre à vouloir magnifier, le héros américain. D'accord. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. On vous remercie, on vous dit à très bientôt. Et plein de bisous. Voilà, pensez à nous, écoutez-nous en podcast, regardez-nous sur YouTube, mettez des pouces bleus, voilà, partagez si vous avez aimé, et à la prochaine.